Les prunelles, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les prunelles, à Delaunay. Regardez une haie, au milieu de l'automne, à l'époque où le bois, tournant du vert au brun, sans ses pétales secs s'envoler un par un. La haie a des couleurs dont l'éclat vous étonne, des jaunes mordorés, des grenats éclatants, qui tranchent vivement sur le fond des ramures. Cependant que la ronce, ayant perdu ses murs, garde un feuillage vert qui parle du printemps. Puis les fruits destinés à l'oiseau de passage, les boutons de corail dans le noir enchâssés, les prunelles d'hiver au ton violacé dénoncent l'aubépine et le prunier sauvage. Cela forme un fouillis sombre, clair et vermeil, où tout est différent, mais où rien ne détonne. Regardez une haie au milieu de l'automne, et si le soleil, lui, bienvenue au soleil. Commanderais-je une calèche? Une calèche, c'est bien vieux. Puis, on dit qu'une automne sèche annonce un hiver pluvieux. Un coupé ferait mon affaire, s'il doit pleuvoir, mais il se peut qu'il fasse beau. L'or, je préfère, un phaéton. Oui, mais s'il pleut. Hélas, que ne peut-on d'avance, la pluie ou le beau temps prévoir, pour commander en conséquence l'équipage qu'il faut avoir. Notre interlocuteur était un beau jeune homme, élégant à ses jours, quoique fort économe. Il passait tous les ans 4 mois à Paris, et tout seul s'y donnait du faste à juste prix. Il revenait ensuite, au fond de sa province, remettre en équilibre un budget assez mince, dans un petit castel, reclus pendant 8 mois. Auguste végétait en simple villageois. Mais lorsque revenait la grande période, le chartreux reprenait le sceptre de la mode. Il s'appelait le comte Auguste de Meulien. Il avait pris ce titre et s'en trouvait fort bien. Paris, acceptant tout sans exiger de preuves, il avait chaque année une voiture neuve. Le comte, par malheur, n'avait pas de chevaux, et ceux qui l'attelaient étaient toujours nouveaux. Quant à les posséder, il n'y pouvait prétendre, mais on trouve à Paris plus d'une bête à vendre. Il s'était fait l'ami d'un certain Maquignon, avec qui l'on s'entend de pair à compagnon. La voiture servait d'enseigne à l'écurie, voiture d'apparat, voiture d'industrie, mais on le sait, unique, et selon qu'elle était ouverte ou bien fermée, Auguste ne sortait que les jours de beau temps ou que les jours de pluie. Or, la saison d'hiver s'était bien loin enfuie. À l'heure où nous trouvons notre héros si loin qu'elle allait revenir, il était donc besoin de méditer à froid la prochaine campagne. Auguste y pourvoyait du fond de la champagne. Il cherchait, pour rentrer avec un vif éclat, un équipage neuf dont le monde parla. Occuper un instant l'opinion publique, cela seul résumait toute sa politique. Par les prés, par les bois, rêveur il s'en allait. Un jour il rencontra le bonhomme Collet. Collet était un peu l'oracle du village. On l'écoutait souvent malgré son bavardage. Et quoiqu'il ne fût pas des moins intelligents, il mettait trop de zèle à conseiller les gens. « Eh bien, père Collet, quelle bonne nouvelle !»« Ah, monsieur, nous aurons cet hiver des prunelles !»« Eh bien, père Collet, que m'importe cela ?»« C'est vrai, vous ignorez toutes ces choses-là. »« De ce qui doit venir en vain, vous préviendrai-je. »« Si je dis, préparez des sabots pour la neige. »« On se rira de moi. »« Que vous importe à vous ?» Que l'hiver plus ou moins soit rigoureux ou doux. À Paris, en effet, cela n'importe guère. Pardon, père Collet, Il m'importe, au contraire, et j'ai, plus qu'on ne croit, intérêt à savoir s'il doit geler, neiger, faire sec ou pleuvoir. Alors, mon bon monsieur, regardez ces prunelles, entendez leur langage. Eh bien, que disent-elles? Elles disent d'abord que dans votre Paris, on ne connaît pas tout pour avoir tout appris. Puis, que Dieu seul est grand et que la Providence fait tout venir à point, connaissant tout d'avance. Avez-vous quelquefois pensé, durant l'hiver, à ce que mangeront les habitants de l'air? Les pucerons friands, les mouches délicates, ont caché dans des trous leurs ailes ou leurs pattes. L'oiseau rencontre encore dans les champs labourés des miettes de hasard et des grains égarés. Qui pourront lui donner du répit pour attendre le retour de l'insecte à la chair fraîche et tendre? Mais qu'il vienne à neiger, pauvre oiseau du bon Dieu, que vas-tu devenir, n'ayant ni feu, ni lieu? Pourra-t-on supposer que la mère nature te laisserait périr faute de nourriture? Non, elle a fait germer, sur tous ses abrisseaux, les conserves d'hiver, la manne des oiseaux. Au moment de détresse, elle nous vient en aide, et même avant le mal, fait mûrir le remède. Voyez ces pruneliers, chargés de leurs fruits bleus, et souvenez-vous bien que plus ils sont nombreux, plus la neige sera cet hiver abondante. L'homme est imprévoyant, la nature est prudente. Adieu, rappelez-vous à Paris, s'il vous plaît, ce que vous a prédit le bonhomme Collet. Le bonhomme raisonne juste, s'il neige, le petit oiseau. Décidément, se dit Auguste, je me ferai faire un traîneau. Fin de Les Prunelles, enregistré par Margot.